Hallelujah. He says, fine linen, bright and clean was given her to wear. Il dit, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. Can I move further on now and characterize the authority of righteousness? Puis-je aller plus loin maintenant et caractériser l'autorité de la justice that the Lord is talking about in that vision. Dont le Seigneur parle dans cette vision. First of all, this is what you see. D'abord, voilà ce que vous voyez. He's saying, fine linen, il dit, fin lin, bright and clean, éclatante et pure, was given her to wear. Lui a été donné pour se vêtir. So, if you look at the circumstances, the context, donc, si vous voyez les circonstances, le contexte within which he is announcing finest linen, dans lesquels il annonce le lin le plus fin, bright and clean is given to the church, éclatant du pur est donné à l'église. He's announcing it. Il l'annonce. He's saying so. Il le dit within the announcement of the coming of the Messiah, avec l'annonce de la venue du Messie. He's pronouncing fine linen, bright and clean, given to the church. Il prononce du fin lin, éclatante et pure, a été donné à l'église. At a time when he's talking about the coming of the Messiah. Au moment où il parle de la venue du Messie. And that should be able to underscore gravity. Et ça devrait être assez pour souligner l'importance. Gravity about righteousness. L'importance de la justice. Because actually we're talking about the grand finale. Parce que, en fait, je parle de la grande finale. Look at it this way. Voyez-le de cette manière. Peter and Paul, Pierre et Paul, they're running a relay. Ils font une course de relais. The short races, de petites courses. With a baton. Avec le bâton. Peter and Paul are running their course. Pierre et Paul courent leur course. They reach you and give you the baton. They have finished their path very well. Ils arrivent vers vous et vous donnent le bâton. Ils ont très bien couru leur partie. What did this present church do with the baton? Qu'est-ce que l'église actuelle a fait avec le bâton? The finishing line has been drawn. La ligne finale a été dessinée. The first church, Peter and Paul, and whoever. La première église, Pierre et Paul, ou qui que ce soit. They have run their path excellent. They were leading. They're leading. Ils ont couru leur partie très bien. Ils conduisaient, ils menaient. And then they pass you a little bit and pass on to you. Et ensuite, ils ont passé vers vous et vous l'ont passé. What did you do with your segment? Qu'avez-vous fait de votre segment? The line has been drawn. La ligne a été dessinée. Grand finale. La grande finale. Did the church slide and fall with the baton? Est-ce que l'église a glissé et est tombée avec le bâton? Did you slide and fall with the baton? Il a glissé et est tombé avec le bâton. If you slide and fall, you spoil for everybody else. Si vous glissez et tombez, vous gâchez tout pour tous les autres. That's why there is greater responsibility beyond you. C'est pourquoi il y a une plus grande responsabilité sur vous. On this salvation you behold. Sur ce salut que vous détenez. Beyond you. Sur vous. Because we are a generation of me, me, me, me. No. Parce que nous sommes une génération du moi, moi, moi. Non. This is now about Christ himself, because he said, tremendous joy unspeakable. C'est maintenant à propos de Christ lui-même, parce qu'il dit, immense joie, indescriptible. Grand felicitation. Grande félicitation. Grand celebration. Grande célébration. Grand jubilation. Why? Grande jubilation. Pourquoi? Because you have made it. Parce que vous l'avez fait. Meaning, ce qui veut dire, apart from being your own salvation, à part être votre propre salut, also behold the key to the joy, possédez aussi la clé de la joie, historic joy of the Messiah, joie historique du Messie. You fail to enter historic sadness. Vous manquez l'entrée tristesse historique. And so, I'm saying that this announcement of the hour of righteousness, et donc, je dis, que cette annonce de l'heure de la justice, of the garment that I'm talking about here, du vêtement dont je parle ici, comes at such a time when the announcement of the coming of the Messiah is here. Vient à un moment tel où l'annonce de la venue du Messie est là. So that means, donc, ça veut dire, we really have to hearken to this now. Nous devons vraiment écouter cela maintenant. Now we have to prepare. Maintenant, nous devons nous préparer. Because the line has been drawn. Parce que la ligne a été dessinée. Because what will they say? What will people say? Parce que diront-ils? Qu'est-ce que les gens diront? Because somebody will come and say, oh. Parce que quelqu'un viendra et dira, oh. For me. Pour moi. I used to be in the bar, in the brothels with women. J'allais dans les bars, dans les bordels avec les femmes. And homosexuals. Et les homosexuels. But for you, you were pastor. I knew you were the pastor. Mais pour vous, vous avez été pasteur. Je vous ai connu comme pasteur. You went to church every day. Vous alliez à l'église chaque jour. You have also remained. Vous êtes aussi resté. Then, what was the cross all about? Alors, qu'est-ce que c'était la croix? So there will be that condescendence unto the cross and the blood. Donc, il y aura cette condescendance sur la croix et le sang. That responsibility you must have now. Cette responsabilité, vous devez l'avoir maintenant. As you lead your Christian life. Comme vous conduisez votre vie chrétienne. This thing of Christians fooling around with their salvation has to come to an end. Ces choses, des chrétiens qui folâtrent avec leur salut, doivent venir à une fin. You must now be able to understand. Vous devez à présent être en mesure de comprendre that you have responsibility including corporate. Que vous avez une responsabilité incluant coopérer. Corporate as the body of Christ. Coopérer comme corps de Christ. The second thing in this announcement. La seconde chose dans cette annonce of the garment, du vêtement that the church should wear now, que l'église devrait vêtir maintenant, that you people should prepare in the church, que vous les gens devriez préparer dans l'église, is that when he is talking about it, it looks as though, que lorsqu'il parle de ça, on dirait que in this process of prepare the way the Messiah is coming, dans ce processus de préparer le chemin, le Messie vient, the garment is the prepare the way. Le vêtement est la préparation du chemin. That is actually the meaning of prepare the way. C'est en fait la signification de préparer le chemin. The garment. Le vêtement. That garment of righteousness. Ce vêtement de justice. But he says, mais il dit, he says, il dit, fine linen, du fin lin, bright and clean was given her to wear. Éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. Bright, éclatant, meaning, ce qui veut dire, I can look at that light and say, wow. Je peux voir cette vie et dire, wow. That is bright light. C'est une lumière éclatante. Meaning, ce qui veut dire, at this hour, en cette heure, when the church wears this garment, lorsque l'église porte ce vêtement, everybody should be able to see. Tout le monde devrait être en mesure de voir. Look, regarde the garment. Le vêtement. Wow, look the garment. Wow, regarde le vêtement. The church is wearing the garment. Et l'église porte le vêtement. From afar. De loin. It is not hidden at all. Ça n'est pas caché du tout. So you cannot tell me it's inside your heart. Ainsi, vous ne pouvez pas me dire c'est à l'intérieur de votre cœur. In other words, en d'autres termes, this is the hour when the brightness of the salvation that the church beholds, c'est l'heure où l'éclat du salut que l'église détient must shine brightest, doit briller plus intensément. Bright. That's why he says bright and clean. Bright. Briller. C'est pourquoi il dit éclatant et pur. Éclatant. And we all know, et nous savons tous, the light you wear, la lumière que vous portez, the light you shine, la lumière que vous brillez, is always brighter, est toujours plus brillante when there is darkness, quand il y a des ténèbres. In other words, this is the hour, en d'autres termes, c'est l'heure when the church are beginning with the pastors, où l'église, en commençant par les pasteurs, should be shining the brightest light of Christ, devrait briller la lumière éclatante de Christ in the nation, dans la nation. I am now talking about the authority of this garment. Je parle maintenant de l'autorité de ce vêtement. When you move further on, quand vous allez plus loin, you realize, vous réalisez, that when he said, que lorsqu'il a dit fine linen, du fin lin, bright and clean, éclatante et pure, was given her to wear, lui a été donné pour se vêtir, that was now the instruction to the church. C'était maintenant l'instruction pour l'église. Is the church wearing that linen? Est-ce que l'église porte cela? Look at another thing that comes out of there. Voyez les autres choses qui sortent de là. He said, fine linen, bright and clean, was given her. Il dit, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné. Meaning, ce qui veut dire, it is a gift, c'est un don, of the grace and mercy of God, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Meaning, ce qui veut dire, that garment comes from the Lord himself. Ce vêtement vient du Seigneur lui-même. It's of divine origin. Il est d'origine divine. From God himself. De Dieu lui-même. There you go now. Là vous allez maintenant. Then you cannot soil it. Alors vous ne pouvez pas le salir. Are we talking about the robes of Christ then? Sommes-nous en train de parler des robes de Christ alors? So you cannot say. Alors vous ne pouvez pas dire. Oh mine, I'm going to wash it. No. Oh la mienne, je vais la laver. Non. That garment belongs to the Lord. Ce vêtement appartient au Seigneur. It is not a right. Ça n'est pas un droit. It was a gift of grace to you. C'est un don de grâce. Pour vous. So you cannot fool around with it in this country. Alors, vous ne pouvez pas batifoler avec cette entrée. There's a great responsibility. Il y a une grande responsabilité. It bestows upon you. Qui vous revient. On realizing that that garment is not a right. En réalisant que ce vêtement n'est pas un droit. It's not a right. Ça n'est pas un droit. Because it says, fine linen, bright and clean was given her. Parce qu'il dit, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné as a gift. Comme cadeau. Romans 5, 15, can we read that? Romains 5, 15, pouvons-nous lire cela? Romans 5, 15. Romains 5, 15. Alléluia. Alléluia. But the gift is not like the trespass. Mais le don n'est pas comme la faute. For if the many died by the trespass of one man. Parce que si beaucoup sont morts par la faute d'un homme. How much more did God's grace and gift. Combien plus la grâce et le don de Dieu. That came by the grace of the one man Jesus Christ. Qui viennent par la grâce d'un homme Jésus Christ. Overflow to many. Ont-ils surabondé pour beaucoup. Gratis. Gratuitement. Gift. Un don. And he's saying. Et il dit. That since that garment is not your garment. Que puisque ce vêtement n'est pas votre vêtement, since that garment is from him, puisque ce vêtement vient de lui, given to her, given. Qui lui a été donné. And we all know Isaiah 53. Et nous connaissons tous Esaïe 53. The travail of the garment. L'œuvre du vêtement. The preparing of the garment. La préparation du vêtement. But I'm saying this. Mais je dis cela. If it is given to you, s'il vous est donné. And then he says, that is the righteousness of the church. Et ensuite il dit, c'est la justice de l'église. Then that also tells me, alors, ceci me dit aussi. That righteousness is not the righteousness of men. Que cette justice n'est pas la justice de l'homme. Philippiens chapitre 3, 8 et 9. Philippiens chapitre 3, 8 à 9. The righteousness of God. La justice de Dieu. Philippiens 3. Philippiens 3. 8 and 9. 8 et 9. 3, 8, 9. 3, 8 à 9. Then he says, alors il dit. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. For whose sake I have lost everything. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. I consider them rubbish. That I may gain Christ. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, but that which is through faith in Christ Jesus. Mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. The righteousness that comes from God and by faith. Et que Dieu accorde à ceux qui croient. La justice qui vient de Dieu et par la foi. The righteousness of God. Can I explain that to you? La justice de Dieu. Puis-je vous expliquer cela? There is a misunderstanding in the church today. La raison pour laquelle il y a une incompréhension dans l'église aujourd'hui regarding this scripture, concernant ce texte, regarding this garment I'm talking about, concernant ce vêtement dont je parle. If it is true, si c'est vrai that fine linen, que le fin lin bright and clean was given half, éclatant et pur lui a été donné. Then that means, alors ça signifie that the righteousness we behold, we are supposed to walk with. Que la justice que nous détenons, la justice avec laquelle nous sommes supposés marcher, comes from the Lord. Vient du Seigneur. But if that also be true, mais si cela est aussi vrai, then it also means the following. Alors ça signifie aussi ce qui suit. It means, ça signifie, if I go to Kenya, si je vais au Kenya, and find the church in Kenya, et trouve l'église au Kenya, the women are wearing long skirts to the floor. Les femmes portent de longues jupes jusque par terre. The women don't want any part of their body to be seen. Les femmes ne désirent pas qu'aucune partie de leur corps ne soit vue. They have just woken up, they have been rekindled. Elles marchent juste et elles ont été ravivées to the reality that behold, à la réalité que voici, your body is the holy temple of the Holy Spirit of God. Votre corps est le temple saint du Saint-Esprit de Dieu. Of God, the Holy Spirit. De Dieu, le Saint-Esprit. They have just woken up to that. Elles sont juste éveillées à cela in 2016. En 2016. So they observe it. Alors, elles observent cela. They don't wear a tight skirt for someone to see their body and lust. Elles ne portent pas des jupes étroites pour qu'on voit leur corps et convoite. If that be true, si cela est vrai, then that means, alors ça signifie, that righteousness they wear in Kenya, cette justice qu'ils portent au Kenya, where they cannot even show any part of their leg, où elles ne peuvent même pas montrer aucune partie de leurs jambes, that righteousness when I come, cette justice, quand je viens, I should find it also there. Why? Je devrais la trouver aussi là. Pourquoi? Because he's saying, it is one standard. Parce qu'il dit, c'est un standard. It is not saying, oh, oh. Ça n'est pas dit, oh, oh. For us, we have another standard. Pour nous, nous avons un autre standard. No. Non. Did you see the confusion in the church? Avez-vous vu la confusion dans l'église? It's as though the church, c'est comme si l'église, has developed for herself, a développé pour elle-même, her own standard of worship. Son propre standard d'adoration. Where every denomination says, ah, no, no, no, no. Où toutes les dominations disent, oh, oh, non, non, non, non. For us, pour nous, our pastor told us that, notre pasteur nous a dit que, there is liberty in the salvation of Christ. Il y a la liberté dans le salut de Christ. For us, our pastor told us, pour nous, notre pasteur nous a dit, that God does not look at your clothes, he looks at your heart. Que Dieu ne voit pas nos habits, il voit notre cœur. So there are all these different standards in the church. Alors il y a tous ces standards différents dans l'église. And that's why I have come. C'est pourquoi je suis venu. To calibrate it once for all. Pour calibrer ça, une fois pour toutes. Standardize it. Le standardiser. Normalize it. Le normaliser. If you worship the same God I worship. Si vous adorez le même Dieu que j'adore. He says here. Il dit ici. That fine linen. Que du fin lin. Right and clean belonging to God. Éclatant et pur. Qui appartient à Dieu. Was given her to wear. Lui a été donné pour se vêtir. Given. Donné. Was given her to wear. Lui a été donné pour se vêtir. It is not. Ça n'est pas. Fine linen, bright and clean, South Africa developed. Du fin lin, éclatant et pur, que vous développez. Built one for ourselves. Pour vous-même. Fine linen, bright and clean, United States built one for themselves. No. Du fin lin, éclatant et pur, que les États-Unis construisent pour eux-mêmes. Non. He's saying. Il dit. The righteousness of God. La justice de Dieu. That means. Ça signifie. When you come to Botswana. Quand vous venez à Botswana. You should find the same. Vous devez trouver le même. When you go to Canada. Quand vous allez au Canada. You should find the same standard of righteousness. Why? Vous devez trouver le même standard de justice. Pourquoi? Because it's the same one God. There are not two gods. Parce que c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le même Dieu que vous adorez. There are not two gods. Il n'y a pas deux dieux. There's only one Jesus. Il y a seulement un Jésus. In South Africa alone. Là seulement. You get different churches. There are some churches that dance disco on Sunday disco. Vous trouvez différentes églises. Il y a quelques églises où on danse les discos le dimanche, des discos. There is disco going on. People are dancing immorality. Il y a des discos. Les gens dansent dans l'immoralité. Women and men are dancing there. Femmes et hommes dansent là. I know everything. Je sais toutes choses. Some. Just say, we are just about money. Certains disent juste, oh, ça concerne seulement l'argent. And they just do money. Et ils font seulement de l'argent. So, you cannot have such varied standards of worship. Donc, vous ne pouvez pas avoir de tels standards variés d'adoration. That's what he's saying here. C'est ce qu'il dit ici. He's saying, fine linen, il dit, du fin lin, bright and clean, was given her to wear. Éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. Everybody receive from the same God. Chacun le reçoit du même Dieu. Same God. Le même Dieu. So beginning today, donc, commençons dès aujourd'hui, you can begin to interrogate, vous pouvez commencer à interroger your salvation. Votre salut. You can now question your salvation. Vous pouvez maintenant questionner votre salut. You can now go back to your churches and say, church. Vous pouvez maintenant retourner dans votre église et dire, église. I think let us understand this. Je pense, comprenons cela. The Lord in his word, le Seigneur dans sa parole says, let us be holy. Dit, soyons saints. And that holiness is one standard. Et cette sainteté est un standard. And you cannot try to manipulate it. You know, this is a very manipulative generation. Et vous ne pouvez pas essayer de le manipuler. Vous savez, c'est une génération très manipulatrice. They can manipulate things, manipulate and justify things. Ils peuvent manipuler les choses, manipuler et justifier les choses. He said, no, we cannot. Il a dit non, nous ne pouvons pas. I have never seen anybody going to church saying, je n'ai jamais vu quelqu'un aller à l'église et dire, I am going to church that when the day comes I may go to hell. Je vais à l'église pour que lorsque le jour vient, je puisse aller en enfer. I have still not yet met. Je ne l'ai pas encore rencontré. All over the world I've been. J'ai été tout autour du monde. But all of them want to enter heaven. Mais tous désirent entrer aux cieux. Then let us stick to this standard. Alors, restons fidèles à ces standards. Why then do you dress your daughters immoral when they are young? Pourquoi alors est-ce que vous habillez vos filles immorales quand elles sont jeunes? Already, they are dressed immoral. Déjà, elles s'habillent d'une manière immorale. Short skirts, what tight, what you teach them that road. Des jupes courtes, des choses serrées, vous leur enseignez ce chemin. That's another road. C'est une autre route. And then how do you expect them if the Messiah tarries? Et alors, comment est-ce que vous vous attendez à ce que, si le Messie tarde, how do you expect them not to be in the discos? Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'elles n'aillent pas dans les discos? How do you expect them not to be in the nightclubs? Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'elles n'aillent pas dans les boîtes de nuit? But you have taught them that road. Mais vous leur avez enseigné ce chemin. And that's why the Lord is saying, et c'est pourquoi le Seigneur dit, this righteousness is absolute. Cette justice est absolue. There is no negotiation about it. Il n'y a pas de négociation là-dessus.